Moïse et Darwin. L'homme de la jeunesse comparé à l'homme singe, ou l'enseignement religieux opposé à l'enseignement athée, par le docteur Constantin James. Édition Blood et Barrel 1882. Réfutation du darwinisme. Darwinisme et conte de fées, nécessité d'une réfutation, art de Darwin pour présenter les choses, comment son école les rend acceptables, le sérieux mêlé au burlesque. Réfuter le darwinisme. Mais à quoi bon? Vous écrirez-vous peut-être. On réfute une théorie hasardée, on réfute une doctrine dangereuse, on réfute même au besoin un système absurde, mais on ne réfute pas des contes de fées. Si, on les réfute, ou plutôt il en est qu'on doit réfuter, tel est le darwinisme. C'est que son auteur est un homme d'un grand talent et d'un incontestable savoir, qui possède mieux que personne l'art de revêtir des formes sévères de la science les produits les plus bizarres de son imagination fantaisiste. Je ne saurais mieux comparer ses écrits qu'à cette orfèvrerie de Ruolz dont un métal brillant dissimule le peu de valeur intrinsèque, mais qui, pour être distingué de l'orfèvrerie vraie, exige un œil exercé. Aussi est-ce parmi les demi-savants et les gens du monde, là par conséquent où les surprises sont les plus faciles, que sa doctrine compte les plus fervents adeptes. Ce qui ne contribue pas peu non plus à la vulgariser, c'est qu'on se garde bien de l'exposer dans toute sa crudité. On y fait de savantes coupures et d'habiles retouches. Quel livre, par exemple, oserait reproduire textuellement le chapitre que nous avons cité des changements du singe en homme? Mais, dès la première page, le lecteur, se croyant mystifié, jetterait le volume avec horreur et mépris. On passe donc sous silence toutes ces folies, bien qu'elles forment la base du système. En revanche, on accommode d'une sorte de darwinisme expurgé, qui n'effarouche personne, et où l'on fait sonner bien haut les grands mots de « loi du progrès », « affranchissement de la pensée », « flambeau de la science », « ténèbres de l'ignorantisme », etc. À l'aide de ce procédé on va loin. Songez donc qu'on s'adresse à des esprits prévenus qui ne demandent qu'un prétexte pour exclure la divinité de toute ingérence dans les choses humaines. Il connaissait bien son public, le novateur anglais, lorsqu'il lui criait « Lequel aimez-vous le mieux, être fait à l'image de Dieu ou à l'image du singe ?» Et tous de répondre « À l'image du singe ». Cela devait être « La foule, que la passion aveugle, préférera toujours Barabbas au Christ ». Le darwinisme est donc un de ces systèmes que le ridicule ne suffit pas pour tuer, et qui réclame par suite une réfutation plus sérieuse. Ne lui a-t-on pas accordé les honneurs de l'exposition universelle? Voir l'appendice le darwinisme à l'exposition universelle. Malheureusement, quand on en arrive à cette réfutation, on se trouve en face d'une difficulté d'un autre ordre et qui n'est pas la moindre. Darwin, contrairement à ce que font d'habitude les chefs d'école, commence par établir certaines théories auxquelles il s'efforce ensuite de rattacher les faits, au lieu de prendre tout d'abord les faits pour point de départ, puis de chercher à les formuler en théorie. Il en résulte qu'on ne sait jamais ni où le trouver ni comment le saisir, perdu qu'il est dans les espaces. Je ne doute pas qu'il croit avoir réellement observé ce qu'il a simplement conjecturé. Aussi ses livres sont-ils pleins de faits qui leur donnent une apparence de solidité massive, seulement les ressemblances partielles ou transitoires y tiennent lieu de preuves directes de filiation. Mais ce qui contribue le plus à dérouter la critique, c'est que, chez Darwin, L'élément burlesque l'emporte tellement sur l'élément sérieux qu'il vous faut à tout instant, comme dans les idylles et les romans héroïques comiques, passer du grave au doux, du plaisant au sévère. Et cela au moment où le sujet y prête le moins. On se trouve ainsi forcément ramené sur le terrain de la fantaisie, alors qu'on aurait tout intérêt à rester sur celui de la réalité. Quoi qu'il en soit, puisque j'ai tant fait que de commencer, il me faut bien aller jusqu'au bout. Et comme, en définitive, toute discussion exige une méthode, il m'a paru que la plus pratique consistait à prendre à partie quelques-unes des propositions les plus aventureuses et à le reposer, pour toute réfutation, certains grands principes ayant pour eux l'autorité de la science, le témoignage des faits et la sanction du temps. Markendanarchive.org, 2022, d'après Gallica BNF.fr. Licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.